Racine de moins 1, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine. Bonjour, d'abord je vous propose pour cette 50e édition de l'émission Racine de moins 1 d'écouter un enregistrement sur un sujet un petit peu moins sérieux que d'habitude, puisque là je vous propose d'écouter une discussion sur le steampunk comme uchronie technologique. Steam, c'est la vapeur en anglais. Steampunk, c'est un genre qui voit une espèce de transformation technologique de la société, donc une uchronie, sous la forme de la vapeur comme moteur dominant des machines qui sont utilisées dans cette société. Donc voilà, des œuvres d'imagination. Et on aura effectivement Alain Damasio, par exemple, dans cette émission, qui est un grand écrivain de science-fiction français actuel, et d'autres aussi qui seront présentés au début de cette émission. Une discussion qui a été enregistrée à Nantes en octobre 2017 aux Utopiales de Nantes. Et juste après, je présenterai brièvement un ouvrage qui s'appelle Rétrofutur, une contre-histoire des innovations énergétiques, qui est tout à fait donc dans le thème de ces discussions. Donc tout de suite, on entend cette discussion entre différents auteurs de science-fiction et un historien des techniques. Bonjour à tous. On va parler avec nos quatre invités d'Uchronie technologique. Je vais commencer par rappeler ce que c'est qu'une uchronie. Une uchronie, c'est inventer un autre temps. C'est supposer que l'histoire prend une bifurcation dans le passé et imaginer le monde qui en découle. C'est le fameux « et si c'était passé ceci plutôt que cela ». Le plus exploité du genre, c'est d'imaginer un monde dans lequel la Seconde Guerre mondiale aurait été remportée par l'autre camp. Ça a été abondamment abordé dans la littérature. Et donc ici, on va parler d'uchronie technologique. Donc c'est imaginer ce qui se serait passé si les progrès des sciences et des techniques n'avaient pas pris le chemin qu'ils ont pris. Dans ce domaine-là, il y en a aussi une, je pense, qui domine un peu le marché, la science-fiction au sens large. C'est le steampunk, qui, en très gros, et on pourra éventuellement revenir sur une définition si on en a besoin, le fait que la révolution, disons, électrique et ou chimique n'a pas lieu, l'énergie reste extrêmement mécanique. Et la machine à vapeur est la machine qui domine le champ technologique. Alors pour parler de ça, on a quatre invités. Donc Olivier Gechter est ingénieur et écrivain. Tu as écrit de nombreuses nouvelles. Un roman que tu qualifies toi-même, je crois, de fantastico-rigolo, qui s'appelle Évariste. Et ce qui nous intéresse peut-être plus ici, un cycle steampunk qui s'appelle Le Baron Noir, et qui est une véritable uchronie technologique pour le coup, et qui ressortira chez Mnemos début 2017, augmenté d'un troisième volume, n'est-ce pas ? Dans Le Baron Noir, on peut croiser Clément Adler, Gustave Eiffel, Jules Verne et d'autres, donc tu connais ton sujet. À ta gauche, François Jarige, qui est maître de conférence à l'Université de Bourgogne. Toi, tu es historien des ouvriers, de l'environnement, des techniques du 19e siècle essentiellement. Tu as publié plusieurs ouvrages sur l'histoire des techniques, et peut-être celui qui est le plus en lien avec le thème, c'est La modernité des enchantés, qui revisite l'histoire du 19e siècle, en particulier sous l'angle du progrès et du charbon. À ta gauche, Sylvie Alouche, qui est philosophe, maître de conférence à l'Université catholique de Lyon. Toi, tu t'intéresses principalement à l'avenir de l'humanité, c'est très simple, au transhumanisme, à l'intelligence artificielle, à tous ces enjeux qui sont liés au progrès et donc éventuellement à une uchronie technologique. Pour finir, à ta gauche, Alain Damasio, toi tu es romancier, tu es célèbre pour le best-seller La Horde du Contrevent, qui a eu le Grand Prix de l'Imaginaire il y a déjà une dizaine d'années. Cette année est paru aux éditions La Volte Le Dehors de Toute Chose, qui est un opus, je crois, assez engagé, hein, contre l'hégémonie du contrôle, entre autres du contrôle technologique justement. Alors pour démarrer, je voudrais juste vous demander de réfléchir un petit peu sur donc pourquoi le steampunk, quoi, pourquoi c'est cette uchronie technologique-là qui remporte un franc succès. Pourquoi ce sont les machines à vapeur qui ont réussi à envahir le champ, alors qu'elles ont concrètement été remplacées par autre chose dans le vrai monde, quoi. Si je peux me permettre d'ouvrir le bal. Enfin, pour moi, je vais résumer en deux, trois mots, c'est la vapeur, c'est cool. Il y a une esthétique derrière qu'on retrouve pas vraiment avec un moteur électrique, même si on peut tricher en mettant des lumières vertes autour. Il y a un côté, le côté romantique du bricoleur qui peut fabriquer sa chaudière et qui peut, genre Adair et son moteur à vapeur. C'est un truc, ça ressemble même pas à un moteur à vapeur. Si vous regardez le moteur de son avion, c'est hallucinant. C'est un assemblage de tuyaux, on dirait un orgue. Et donc pour moi, l'esthétique fait que ça quand même, ça aide à accrocher. Et ensuite, pour le point de vue historique, c'est facile. Pas besoin de tricher beaucoup. C'est-à-dire que on peut décider qu'on ne s'intéresse pas à l'électrique, point, et on reste sur de la vapeur. On peut décider qu'on invente plus tôt, ouais, des choses comme ça. Alors que si vous voulez faire une uchronie biologique, là, ça commence à devenir très difficile à justifier d'un point de vue historique. Oui, alors. Bon, bah moi je suis historien de service, donc je ferai une réponse d'historien. L'uchronie, c'est vrai qu'il faut rappeler brièvement que c'est un genre qui émerge dès le 19e siècle. Notamment l'un des premiers récits uchroniques, c'est sous la monarchie de Juillet dans les années 1830, un auteur qui publie un texte qui imagine que Napoléon a gagné la campagne de Russie. Il instaure une sorte d'empire universel. Et jusque dans les années 60-70, globalement, l'uchronie est davantage un genre qui a à voir avec les grands changements de régime politique, les grandes bifurcations historiques dans l'ordre politique. Et à partir des années 70, pour le dire sans doute un peu très vite, surtout que je ne suis pas du tout spécialiste du steampunk, mais à partir des années 70, il me semble que voilà, il y a l'uchronie technologique qui tend à s'imposer, à l'emporter sur les autres formes d'uchronie qui dominaient auparavant le genre. Alors pourquoi ? Au-delà de la question esthétique, moi j'insisterai sur un autre aspect complémentaire, c'est que on est au moment où l'uchronie technologique apparaît, c'est dans les années 70, le steampunk apparaît, enfin le mot apparaît avant je crois, mais se diffuse dans les années 80 assez fortement, les grands best-sellers du genre apparaissent dans les années 80, et je crois que c'est assez caractéristique d'un moment de désorientation du monde énergétique. C'est-à-dire que le steampunk ne peut pas être isolé des crises énergétiques des années 70 qui font qu'une multitude d'individus, d'acteurs, d'institutions, de pouvoirs politiques s'interrogent sur les trajectoires énergétiques en cours, sachant que la trajectoire du pétrole et du charbon apparaît comme, pour des raisons écologiques, environnementales et de finitude des ressources, apparaît comme non durable. Et donc, ça amène à s'interroger. Il me semble que les auteurs de science-fiction, l'une de leurs forces, c'est de toujours refléter dans leurs écrits, dans leur imaginaire, des préoccupations très vives de leurs contemporains. J'aimerais juste dire un dernier point, mais je serai très bref parce que sinon je vais être trop long. Un deuxième point qui me paraît important, quand on dit que la vapeur et le charbon ont disparu de notre monde, évidemment, il faudrait introduire une petite nuance. Il n'y a jamais eu autant de charbon et les technologies du charbon n'ont jamais été aussi importantes dans le monde, y compris pour fabriquer de l'électricité avec des centrales thermiques. Et donc, il me semble qu'il y a un point très important. D'un point de vue historique, on a tendance à penser l'évolution des systèmes énergétiques comme étant une sorte de succession de systèmes avec des transitions. On serait passé d'un régime énergétique avec le bois, à un régime avec le charbon, puis avec le pétrole, puis aujourd'hui avec le nucléaire ou le renouvelable. Ça se passe pas du tout comme ça d'un point de vue historique. On n'est pas dans une succession de transitions énergétiques. On est dans une série d'additions énergétiques. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant consommé de bois, de pétrole, de charbon, d'hydraulique, d'éolien qu'aujourd'hui. Mais les énergies, les différentes sources d'énergie ne se remplacent pas. Elles s'additionnent pour répondre à nos demandes énergétiques extrêmement en croissance permanente, en fait. Voilà ce que je voulais dire. Donc, tu supposes qu'il y a une espèce de nostalgie, en fait. C'est-à-dire qu'on est peut-être revenu à la vapeur parce que le contexte énergétique était dangereux. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans les années 70, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est le moment où la vapeur et ses effets disparaissent, notamment du monde occidental. Disparaissent apparemment. Notamment, les pollutions urbaines liées à la consommation du charbon en ville tendent à diminuer assez fortement à partir des années 50-60. Il faut bien imaginer que jusque dans les années 50-60, les villes occidentales, en Amérique du Nord ou en Europe de l'Ouest, sont toutes extrêmement polluées par la combustion du charbon, pour les usages pour le chauffage ou pour les usages industriels. À partir des années 60-70, on va avoir une dépollution des grandes villes dans le monde occidental, alors que dans le même temps, les pollutions vont s'accentuer dans le reste du monde, notamment la combustion du charbon. Et c'est à ce moment-là, précisément, qu'apparaît le steampunk, c'est-à-dire une sorte de relecture un peu complètement fantasmée, mythologique, de ce qu'était le charbon par des auteurs, par la littérature, par la science-fiction, par des illustrateurs. Et donc, je crois que c'est un moment où le charbon est au cœur de toute une série de débats et suscite des fantasmes, des projections imaginaires qui vont aboutir à ce genre du steampunk. Donc effectivement, j'y avais pas pensé avant, mais si vous regardez comment fonctionne une centrale nucléaire, en fait, l'eau joue un rôle extrêmement important. Il y a des panaches de vapeur. Oui, voilà. Donc, le dernier endroit où on peut les voir vraiment. Ouais, c'est une forme de machine à vapeur. Donc, ça étaye complètement ce que vous venez de dire. Peut-être aussi, disons, une réponse qui serait plutôt complémentaire. j'aurais un peu envie de dire, mais on n'a pas vraiment d'autres machines. Enfin, ça, c'est-à-dire que la science-fiction, comme on le dit souvent, c'est plutôt une technique fiction. Il y a des machines dans la science-fiction. On peut faire de belles machines avec de la vapeur, puisque une des spécificités de l'apparition de la thermodynamique, c'est la possibilité d'avoir une source d'énergie interne. On peut, ça a été fait, faire des uchronies avec des technologies antérieures, mais c'est quand même beaucoup moins riche. Donc je pense qu'il y a aussi effectivement quelque chose de propre au type de machines qui sont engagées dans le steampunk, qui fait qu'on peut, on peut avoir cette fascination. Moi, ça m'a toujours, ce qui m'a fasciné, c'est la fascination des auteurs de SF sur le steampunk. C'est quelque chose que j'ai pas compris pendant longtemps, parce que j'ai pas du tout ce désir ni cette nostalgie. Mais il me semble que ce qui est à l'œuvre là-dedans, enfin, ce que j'en comprends moi, c'est qu'on a un passage, et je pense que les années 70, effectivement, est un seuil assez intéressant, c'est qu'on a un passage aux machines de troisième génération dans les 70, c'est-à-dire que les machines informatiques deviennent les machines hégémoniques dans le monde occidental. Et avant ça, on a les machines de deuxième génération. Et avant ça, encore au Moyen-Âge, on avait les marteaux, les faucilles, etc. Et l'avantage des machines de deuxième génération, le moment où il y a cette cassure et qu'on passe à l'informatique, c'est que l'informatique, c'est pour moi la machine triste, quoi. C'est-à-dire, c'est la machine dont on voit pas le fonctionnement, dont on comprend pas le fonctionnement. Je pense que personne ici, à part deux, trois cerveaux hyper développés, comprend comment fonctionne un ordinateur, un circuit imprimé, etc. Et donc, on nous montre des cartes mères et on n'y pige rien, et c'est pas spectaculaire, et c'est pas intéressant. Et surtout, c'est pas charnel, c'est pas sensuel, c'est pas matériel. Moi, je crois que ces machines de deuxième génération, elles ont quelque chose de fabuleux, c'est qu'on a l'impression qu'on peut les modifier, qu'on peut les réparer, qu'on peut les empoigner, qu'on peut encore avoir la main dessus, quoi. Ce qui est plus du tout le cas avec les machines de troisième génération. Et je pense que, auteur de SF, on a peut-être cette nostalgie du moment où il y avait une intervention encore possible, humaine et visible sur la machine, qu'on perd aujourd'hui avec l'informatique, quoi. Alain, je te lancerai bien sur l'autre. Il y a une autre machine dans le steampunk qui est super fascinante, c'est le dirigeable, qui est d'ailleurs pas forcément à vapeur, hein. Toi, dans la Horde, tu développes ta propre technologie. Je sais pas si tu peux la qualifier d'uchronie ou pas, autour du vent. Alors, qu'est-ce qui, dans les objets volants, alors donc le dirigeable ou éventuellement tes objets volants à toi, fascine et fonctionne? Moi, j'ai ressenti ça dans beaucoup de nouvelles que j'ai faites et dans les romans. C'est que, on a toujours besoin d'une sorte de troisième dimension. C'est-à-dire qu'il y a une dimension verticale qui nous manque souvent en utopie. C'est-à-dire le fait de, et c'est pour ça que les voitures volantes ont été une des utopies les plus fréquentes et les plus récurrentes de l'histoire de la SF. C'est-à-dire que le sentiment que on n'est pas simplement des bipèdes sur Terre et figés sur l'asphalte. Et cette idée de donner une dimension verticale, je sais pas, moi je l'ai sans arrêt. C'est quelque chose, une sorte de pulsion qu'on a. Donc moi j'ai fait des vélos, c'est des vélos où tu pédales comme ça, et puis avec au-dessus une espèce d'aile delta qui te permet d'aller de tour en tour, et les ballons aussi, je les utilise à des moments, donc le dirigeable aussi potentiellement, que je n'ai pas utilisé explicitement, mais je crois qu'on a besoin de cette espèce de circulation aérienne, on a besoin d'une dimension qui est une dimension vraiment du ciel, quoi, qui nous permet de nous arracher à cette espèce de contrainte de la ville comme espace plat et très oppressant, quoi. Moi, j'ai toujours vécu la ville, en tout cas, comme un espace de, comme une prison à ciel ouvert. Et le dirigeable vient nous sortir, vient nous arracher de ça. Donc, c'est plus une dimension métaphorique, une sorte de psychisme ascensionnel à la Nietzsche où tu dois, décoller, t'arracher. Et au-dessus, tu te mets à circuler dans ce que Deleuze appelle l'espace lisse, quoi. C'est-à-dire, parce que le ciel est un espace lisse, comme la mer est un espace lisse. C'est-à-dire, un espace qui n'est pas quadrillé, qui n'est pas strié, qui n'est pas bloqué par les feux rouges, par les passages piétons, par les immeubles, par les bâtiments, etc. C'est un espace où tout d'un coup, on te redonne du lisse, c'est-à-dire, on te redonne une circulation infinie, illimitée sur le monde. Et je pense que c'est ça qui fascine et qui, moi, j'ai le sentiment, voilà, c'est très viscéral, mais d'une libération du désir quand tu passes dans l'espace du dirigeable, quoi. Tu vois, et ça permet ça, quoi. Et alors, de la même façon que la machine à vapeur a un avantage sur les machines qui lui succèdent, est-ce que le dirigeable a un avantage sur l'avion ou... Si, il y a quand même un avantage incontestable, c'est que si on regarde bien toutes les découvertes de l'humanité depuis longtemps, on se rend compte qu'on aurait pu inventer le dirigeable assez facilement, enfin assez facilement, hein, parce que la manœuvre a été très compliquée à mettre au point. Mais déjà, l'envol le ballon, par air chaud. Les Chinois auraient pu l'inventer 1000 ans plus tôt que nous, hein, y a pas de problème. Quand on prend les premiers moteurs à vapeur, si on va vraiment à l'extrême, à Alexandrie en -300, les portes des temples s'ouvraient à la vapeur. Et puis on a inventé des systèmes à air comprimé qui étaient compliqués. On aurait pu faire des moteurs à air comprimé assez rapidement. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans l'Uchronie technologique, c'est la partie Uchronie, en fait. Parce que d'un point de vue technologique, j'apprends pas grand-chose, ayant beaucoup travaillé avec, par exemple, le général Lissarag, qui était le fondateur du musée du Bourget. Il m'a pas mal gavé de sciences de l'époque. Donc, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le jeu mental de me dire comment je peux faire pour faire apparaître la chose 100 ou 200 ans plus tôt pour que ce soit pile poil au niveau technologique dont j'ai besoin pour mon roman. En 1860, par exemple. Parce que si on prend le dirigeable, on a réussi à faire une boucle avec le dirigeable tout à la fin du 19e siècle, Capitaine Renard, si je me rappelle bien. Les moteurs à vapeur avaient quand même le petit inconvénient de risquer de faire tout péter, donc ça posait quand même des petits soucis également, donc il y avait des problèmes de motorisation. Mais tout aurait pu apparaître 100 ans plus tôt. C'est juste une question de conjoncture. Par exemple, moi je suppose dans mon roman que Louis XIV n'était pas un bigot, mais un fan de science, et donc du coup, ça booste un petit peu, et on a Papin qui invente un moteur à vapeur avant tout le monde. Et d'ailleurs, il avait sur le papier, Papin avait essayé de faire un moteur à vapeur. Pardon ? Denis Papin, pas Jean-Pierre. Ah, je l'avais oublié, le sujet. On parle de Denis, hein, oui, bien sûr. Non, ça pose une question gigantesque, qui est celle, pourquoi une trajectoire technique s'impose par rapport à une autre ? Bon, sur le dirigeable, je dirais juste un petit mot. Il y a un point très important, c'est que avant 1914, les dirigeables, il y en avait beaucoup qui fonctionnaient. L'avion plus lourd que l'air était une trajectoire qui paraissait une trajectoire folle et avec assez peu d'avenir. Et là, à cet égard, la guerre a joué un rôle décisif. C'est-à-dire qu'entre 1914 et 1918, le nombre d'avions plus lourds que l'air ont été considérablement multipliés parce que pour des besoins militaires, ils étaient beaucoup plus commodes et pratiques. Et la guerre réoriente les investissements, les choix politiques en matière de technologie au profit de la puissance. Hein. Or, le plus lourd que l'air est une technologie de la puissance par rapport au plus léger que l'air, qui a d'autres avantages, mais qui... contexte militaire est peu intéressante. Sur cette question de la fascination pour la machine à vapeur, ça m'intéresse parce que je m'intéresse beaucoup aux conditions d'apparition de la machine à vapeur et à la façon dont elles se sont installées. Parce que la machine à vapeur, c'est pas nouveau qu'il y a une fascination pour la machine à vapeur et qu'il y a une en fait, depuis le début, c'est-à-dire que je dirais même, vous savez, Stendhal, dans un de ses romans en 1820, disait que la machine à vapeur était la nouvelle reine du monde, celle qui déterminait le passage d'un monde ancien à la modernité. Alors qu'en 1820, lorsque Stendhal écrit ça en France, il n'y a quasiment pas de machine à vapeur en France. Il y a un point qu'il faut souligner, c'est qu'on a tendance à croire que ce qu'on appelle la révolution industrielle serait née avec la machine à vapeur. Or non, la révolution industrielle n'a pas grand-chose à voir avec la machine à vapeur. Évidemment, il y a des liens, mais elle est plutôt une conséquence qu'une cause de la révolution industrielle. L'accroissement de la production, le développement du capitalisme industriel est davantage passé par la mobilisation de l'hydraulique, par la saturation des cours d'eau en équipement hydraulique, par la mobilisation des animaux, par la mobilisation du travail humain. Et les machines à vapeur sont venues dans un second temps quand les capitalistes avaient accumulé suffisamment d'argent et de capitaux pour pouvoir développer cette technologie qui était extrêmement complexe, fragile, difficile à maîtriser. Jusque dans les années 1830-40, c'est-à-dire quasiment à la fin de ce qu'on appelle la révolution industrielle, de la première révolution industrielle, les machines à vapeur ont une place très mineure dans le monde industriel, à part dans quelques zones anglaises où il y avait plein de charbon facilement accessible. Le charbon était tellement coûteux à faire venir qu'on préférait utiliser autre chose. Et en France, par exemple, l'énergie hydraulique était extrêmement mobilisée dans toute une série de secteurs d'activité. Tous les cours d'eau étaient saturés de roues hydrauliques. Il y a un historien qui a une thèse pour expliquer pourquoi la vapeur s'est finalement imposée par rapport à l'hydraulique. Il y a des raisons écologiques et environnementales. L'hydraulique, c'est une énergie qui est intermittente et donc ça pose des problèmes. Là où les capitalistes veulent contrôler la production au plus près avec une source d'énergie qui est continue, et c'est la grande force de la vapeur, c'est qu'elle permet une production en continu, elle permet de s'émanciper des aléas de la nature, et notamment des périodes d'étiage des cours d'eau. Et il y a une deuxième raison qui me paraît vraiment intéressante à souligner, c'est que le problème avec l'hydraulique comme source d'énergie industrielle, c'est que l'hydraulique implique une coordination entre les producteurs le long du cours d'eau. C'est-à-dire qu'il nécessite que les producteurs, les fabricants, se coordonnent pour la gestion de l'eau entre l'amont, l'aval. Et donc, il faut mettre en place des formes de coordination à un moment où le capitalisme libéral se construit sur le principe d'un individualisme. Or, la machine à vapeur permet à l'industriel d'être complètement autonome et indépendant par rapport à sa production en contrôlant une machine qu'il peut démarrer, actionner quand il l'entend sans avoir à se coordonner avec d'autres producteurs. Et ça, c'est... Alors, dernier point peut-être vite fait, c'est que c'est exactement à ce moment-là aussi qu'apparaît la fascination pour la vapeur. Il faut rappeler que la fascination pour la vapeur est une construction culturelle qui précède, un peu comme avec le numérique. D'une certaine manière, la fascination pour le numérique et les discours euphoriques sur le numérique viennent avant la diffusion des usages. Et la vapeur, c'est pareil. Hein. La vapeur, la canonisation de la vapeur, c'est la canonisation de James Watt en Angleterre dans les années 1830, quand les autorités britanniques lancent une grande souscription en Angleterre pour récolter de l'argent pour ériger une gigantesque statue à James Watt, qui devient un héros national. En France, les héros nationaux, c'était les souverains, les grands militaires et les grands écrivains. En Angleterre, les héros nationaux sont les grands inventeurs, parce que la puissance politique de la Grande-Bretagne vient de sa maîtrise de la vapeur et de son industrialisation précoce. Et donc la vapeur va être très rapidement entourée de mythologies, dont le plus grand prophète, c'est un philosophe, enfin un ingénieur chimiste philosophe qui s'appelle Andrew Ure, que Marx appelait le pindare de la fabrique, hein, le poète de l'usine. Et Andrew Ure, en 1832, écrit un livre qui s'appelle « Philosophie de la manufacture ». 1832, si vous lisez ce livre, « Philosophie des manufactures », il y a une célébration de la vapeur, de sa capacité à construire une usine complètement automate. Et il y a une projection sur le futur qui est déjà incroyable, où grâce à la vapeur, on va pouvoir créer une rationalisation complète de la production, un bonheur collectif. Donc ce que je veux dire, c'est que cette histoire de la fascination, hein, et de, à la fois fascination et rejet pour la vapeur, elle suit toute la progression, toute l'évolution de ce système technique à chacune de ses phases de redéfinition. Et à cet égard, le steampunk est la dernière forme de cette redéfinition du discours sur la vapeur qu'on peut retracer sur 2 siècles. C'est juste un petit truc, ça me fait bien rire l'histoire de Watt et de sa statue, parce que ça a dû lui faire une belle jambe vu qu'il est mort ruiné. Hein. C'est-à-dire qu'on l'a construit, on a construit la figure de James Watt comme un héros, alors qu'effectivement, il est mort avant, il était ruiné, il a eu beaucoup de mal à diffuser ses machines, parce que la plupart des gens n'en voulaient pas, hein, jusque très tardivement. On préférait des manèges de chevaux à des machines à vapeur jusque dans les années 30, parce que ça coûtait beaucoup moins cher à installer, c'était beaucoup moins dangereux, ça n'explosait pas, on n'était pas dépendant d'une ressource qu'il fallait faire venir de loin. Il y avait plein de raisons objectives qui faisaient que la machine à vapeur était une technologie assez compliquée. Et c'est là que le deuxième héros de la vapeur, c'est le Pasteur Stirling. Parce que lui, ces machines qu'on utilise encore aujourd'hui dans les groupes électrogènes, d'ailleurs, ça n'explose pas. Et c'est une machine à vapeur captive, quoi. Donc c'est peut-être moins sexy pour faire des romans. On verra, j'essaye d'en caser un dans le troisième volume du Baron Noir. Alors, il y a quelque chose dont on a peu parlé, mais je pense que dans la séduction du steampunk, il y a aussi la fascination pour l'esthétique victorienne. Et qu'on retrouve dans des romans qui, à ma connaissance, n'ont rien à voir avec le steampunk, comme L'âge de diamant de Kim Stanley Robinson. Mais alors, sinon, pour revenir là sur la discussion, alors, moi, effectivement, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. C'est de savoir, c'est une question qui a été soulevée tout à l'heure, pourquoi il y a des technologies qui sont inventées à un moment et pas à un autre, enfin, à un moment tard, alors qu'elles auraient pu être inventées plus tôt, compte tenu des connaissances et des moyens techniques dont disposaient les gens à un moment. Moi, je m'étais posé cette question avec un groupe de réflexion que j'animais à l'école normale, qui s'appelait science-fiction, philosophie. Et j'étais partie de Mendel, hein, donc Mendel, inventeur des lois de l'hérédité. Il découvre les lois de l'hérédité au milieu du 19e siècle à partir de la culture et de l'observation scientifique des petits pois et de variétés de petits pois. Petits pois à la vapeur ou... Peut-être après pour s'en faire à la vapeur. En fait, il y a une première chose, c'est que Mendel trouve ça donc au milieu du 19e siècle. Mais il est, c'est un abbé perdu au fin fond de la Bohême Moravie. Et pour simplifier, personne n'entend parler de cette découverte fondamentale. Et c'est seulement 50 ans plus tard, quand elle est redécouverte, que finalement la paternité lui est attribuée. Et du coup, il y a une première question uchronique que je me posais. Parce qu'en fait, il fait sa découverte en même temps que Darwin publie L'Origine des espèces. Donc que serait-il arrivé s'il y avait eu conjonction dès le milieu du 19e siècle de la découverte des lois de la sélection naturelle d'un côté et des lois de l'hérédité. Synthèse qui, du coup, a eu lieu beaucoup plus tard. Donc ça pose la question de qu'est-ce qui fait qu'on découvre quelque chose en science. Il y a à la fois des conditionnements techniques et des conditionnements représentationnels. Et là, du coup, la discussion qu'on vient d'avoir m'a donné une idée. Enfin, en tout cas, moi, c'est la thèse que je défends. Je pense qu'il y a dans la machine à vapeur, quelque chose de spécifique qui est qu'elle a sa source d'énergie en elle-même. Et ça la distingue, de fait, des premières machines de la révolution industrielle, qui sont les machines à tisser, qui sont encore des machines actionnées par l'énergie humaine. Or, la grande distinction qu'Aristote fait dans son livre De la nature, entre ce qui est naturel et ce qui est artificiel, c'est précisément le fait que ce qui est naturel, ce qui relève de la physis en grec, c'est ce qui a la source de son mouvement en soi. Et c'est la définition aristotélicienne. La nature, la chose naturelle, c'est ce qui a le principe de son mouvement en soi. Et la chose artificielle, c'est ce qui a son principe de mouvement à l'extérieur, c'est-à-dire chez l'homme. Et donc, on peut très bien imaginer que la force de ces représentations, même si ça paraît très abstrait, a fait qu'on était dans l'impossibilité intellectuelle, alors qu'on en avait les moyens techniques, jusqu'à ce qu'il y ait eu la révolution scientifique au XVIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, qui met à bas le système aristotélicien. On était peut-être, en fait, dans l'impossibilité intellectuelle de créer, en fait, des machines artificielles qui aient en même temps leur source d'énergie en elle-même, puisque c'était contradictoire avec Aristote. Je m'interroge sur ce que tu viens de dire, parce que la machine à vapeur est le moteur humain. Mais en fait, c'est deux sources d'énergie extérieures. L'homme, d'une certaine manière, est un moteur qui utilise un combustible qu'on appelle de l'alimentation pour produire de la force afin de donner, mettre en action une machine comme un métier à tisser. La machine à vapeur utilise un autre combustible qu'on appelle du charbon pour mettre en action la machine, le métier à tisser. Et donc, c'est pas tant un changement ontologique dans la nature de la machine. Il me semble que là, surtout, une substitution de convertisseurs énergétiques qui va avoir toute une série de conséquences, d'effets sociaux, environnementaux. Voilà, donc c'est peut-être une petite nuance que... Non, parce qu'on fait quand même la différence entre l'outil et la machine. L'outil est actionné par l'homme, la machine, la locomotive, en tout cas de l'extérieur. Je suis d'accord que ontologiquement, c'est peut-être pas la même chose, mais la locomotive, ce qui est fascinant, c'est qu'elle avance toute seule. Il n'y a pas quelqu'un qui la pousse, il n'y a pas quelqu'un qui la tire comme le carrosse qui est tiré par le cheval. Alain ou Olivier, je voudrais savoir si, à votre avis, il y a d'autres uchronies technologiques possibles que le steampunk. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut penser à d'autres ruptures ? Non, mais bien sûr. C'est ce qui est marrant, c'est qu'il y a, pour moi, il y a des effets quand même de mimétisme ou de viralité dans les thèmes, les modes et les enjeux qu'il y a dans l'imaginaire. Malheureusement, moi, je trouve la fantasy justement est trop saturée de ces espèces de mèmes propres à la création. Le steampunk a absorbé, siphonné, vampirisé un peu le principe de l'uchronie. Mais il y aurait absolument des tas de champs hyper rigolos, hyper marrants à mettre en place, ne serait-ce que sur la voiture, ne serait-ce que sur, on en parlait à midi, sur le smartphone, sur l'ordinateur, il y a plein d'uchroniques qui seraient jouables à partir des technologies quotidiennes que nous, on utilise vraiment. Et on commence à voir des romans, où, par exemple du Da Vinci Punk ou quelque chose comme ça, où on pousse la technologie de Léonard de Vinci beaucoup plus loin, donc la vapeur n'existe pas, la vapeur n'est pas découverte. Et les machines d'aujourd'hui, c'est des ailes volantes à la Léonard de Vinci et des choses comme ça. J'étais tombé en cherchant justement sur l'histoire de l'aviation. J'étais tombé sur un blâme que l'Église catholique avait fait au XVIe ou XVIIe siècle à un moine qui avait fait 300 mètres en vol plané en sautant du clocher et il s'était cassé le bras à l'atterrissage. Et il avait eu un gros blâme avec interdiction de sortie, etc., pour avoir joué au casse-cou. Et point. C'est-à-dire que le fait qu'il ait fait le couillon avec son aile, l'aile est passée complètement à la trappe. Le problème de l'uchronie technologique, c'est que si on ne veut pas tricher, ça ne marche pas bien. Parce qu'il y a des tels gros problèmes de communication autrefois, c'est qu'un truc aussi énorme est resté dans le village où ça a eu lieu et c'est ressorti qu'il y a 50 ans, quoi. Donc même si le gars avait s'était pas cassé le bras et qu'on lui avait félicité, ça serait peut-être complètement morné. L'uchronie, faut en fait réussir à expliquer comment ça fait pour avoir un succès alors que personne n'en entend parler. Et on a le même problème pour Alexandrie avec sa vapeur. Ça, alors Alexandrie, la seule invention qui a priori, enfin les deux inventions qui ont bien marché, qui ont donné des petits, c'est des tours de siège et des trucs comme ça, parce que ça, il y avait un vrai débouché commercial à l'époque. Et puis l'orgue, parce qu'il y avait aussi un grand débouché commercial à l'époque, parce que les jeux, il fallait faire de la musique. Mais si on ne trouve pas un prétexte pour avoir le débouché commercial, des trucs absolument révolutionnaires comme le vol plané plus haut que l'air au XVIe ou XVIIe siècle, je ne sais plus trop, ça ou rien, c'est pareil, il ne se passe rien. Donc pour moi, le vrai problème, ce n'est pas l'invention, c'est comment on fait pour justifier le fait qu'elle marche. Qu'elle prend dans la société. En fait, je trouve ça même plus amusant que tripoter l'invention en elle-même. Une des explications qui est donnée pour dire pourquoi, alors qu'on était quand même très avancé dans le domaine des sciences, pourquoi l'Antiquité, finalement, à un moment, s'est arrêtée. Et une des explications qui est avancée, c'est de dire parce que l'esclavage était largement répandu et qu'on n'avait pas besoin de machines sophistiquées, puisque le travail qu'on fait aujourd'hui ou qu'on a fait faire à partir du 19e siècle par les machines, il était assuré par des esclaves qu'on ne payait pas. T'imagines une uchronie technologique où donc le monde d'aujourd'hui avec encore plus d'esclaves qu'à l'époque, tu t'amplifies On pourrait imaginer que pourquoi pas si l'esclavage est rétabli comme le mouvement est en train de prendre progressivement forme, peut-être qu'on pourrait imaginer à ce que ça aboutisse à une décadence technologique. Il y a un autre mouvement dans la littérature qui prend un petit peu d'ampleur, qu'on peut appeler le dieselpunk, je crois, qui est donc de pousser la technologie d'après la Deuxième Guerre mondiale, donc le chrome, les belles bagnoles, les jukebox, les frigidaires, les choses comme ça. Est-ce que vous pensez clairement le steampunk est le plus fort, hein, mais il y a quand même des rebonds comme ça. Est-ce que vous pensez que ça va continuer? C'est-à-dire, est-ce que la technologie d'aujourd'hui va être l'uchronie technologique de demain? Et peut-être dès maintenant, est-ce que vous pensez qu'on peut écrire une uchronie technologique à base de, je sais pas moi, de technologies pré-internet, de minitel, de téléphone, de choses comme ça? Alors pour les plus jeunes, le téléphone c'est pas ça, hein, c'est un truc avec un fil et ça ne sert qu'à téléphoner. J'en ai aucune idée, mais un petit mot. Ce qui est fascinant dans le steampunk, alors le dieselpunk, j'avais jamais entendu parler, mais ce qui est étonnant, c'est que le steampunk est devenu un genre dominant, vous l'avez tous dit, à un moment où la combustion du charbon devenait de plus en plus scandaleuse, et c'est exactement contemporain de la montée en puissance de la question du réchauffement climatique. Donc moi j'y vois, donc le steampunk c'est quand même une exaltation de la vapeur et d'une société où la combustion du charbon serait à la base de tout notre environnement et tout notre monde technique, à un moment où le charbon faisait l'objet d'un rejet croissant et d'une recherche effrénée de trajectoires alternatives par le nucléaire, par les technologies dites douces, par les technologies renouvelables. Et donc on pourrait dire que le steampunk c'est une forme de paradoxe, ou c'est une forme de moment aussi qui correspond à la fin du XXe siècle, où il y a une perte des repères, une disparition d'une vision linéaire de l'histoire qui avancerait dans le sens d'une amélioration progressive et continue. Là, le steampunk, c'est une sorte d'acceptation d'un arrêt de la technologie à un moment où elle était la plus sale, la plus dégueulasse. Je veux dire, c'est la deuxième moitié du XIXe siècle. C'est-à-dire que le rendement énergétique des machines à vapeur est à cette époque particulièrement déplorable. Il faut une quantité astronomique de charbon pour faire tourner les chemins de fer, pour faire tourner toutes les usines. C'est l'époque où on construit des cheminées d'usines qui font 200 mètres de haut parce qu'on pense qu'on va rejeter les fumées très loin pour empêcher les problèmes de pollution. C'est l'époque où apparaissent les problèmes de pollution. Je pense que, en fait, c'est notre propre désarroi contemporain face à nos impasses énergétiques qui amène toute une série d'auteurs à construire de la pure fantaisie, quoi, d'une certaine manière. Peut-être pour, je vais pas tomber dans de la psychologie de comptoir, mais peut-être pour, je sais pas, pour essayer de contourner nos peurs, pour essayer de les domestiquer d'une manière ou d'une autre. Moi, je crois que c'est un point important. Mais on pourrait très bien imaginer des uchronies technologiques qui seraient inverses des uchronies technologiques écolo. D'ailleurs, il y en a eu déjà dans les années 70 des utopies technologiques où on s'arrête à des technologies extrêmement douces, on redécouvre une sorte de le moteur animal pour certains types d'usages, on imagine des formes d'hydraulique, d'éolien dans toute une série de domaines. Donc voilà, il y a une tension entre peut-être une uchronie qui serait une uchronie écolo et une uchronie prométhéenne qui serait le steampunk. Ouais, Alain, il y a l'embryon de ça dans l'art du contournement. Tu te vois écrire une uchronie éolienne? Mais ouais, c'est, enfin, l'art dans un sens, moi je pense ça une uchronie au sens où j'essaye d'arracher toute dimension temporelle, c'est-à-dire j'essaye de pas placer ça dans un cadre historique du tout, c'est-à-dire on est dans une sorte d'intemporalité, on sait pas où la planète se situe non plus. Et j'aime bien ce côté immémorial, intemporel, et il me semble que ça donne une sorte de dimension moins inscrite, moins périmable aussi. Donc, mais dans la horde, moi j'avais essayé de faire quelque chose en me disant je voulais un monde non électrique, donc a priori médiéval, a priori assez ancien, et en même temps que une technologie ait été hyper développée, parce que c'est une planète de vent, donc j'ai développé effectivement la technologie éolienne au maximum. Et d'avoir ce couplage un peu bâtard où on pousse à fond, où on est très très en avance d'un point de vue technologie éolienne, on est dans l'ASF, quoi, vraiment d'anticipation techno là-dessus, et le reste, on est sur finalement des modalités qui sont quasiment médiévales. Et j'aimais bien ce couplage un peu bâtard, un peu hybride. Je trouvais ça intéressant plutôt que d'être juste vraiment dans l'Uchronie ou juste dans l'anticipation. Mais là, tu parlais des Uchronies de l'époque. Moi, quelque chose que j'aimerais faire là, et fondé sur ce qui se passe maintenant, c'est l'arrivée de la voiture autonome. Là, je vous raconte une petite histoire complètement débile, mais qui m'a bien fait rire. J'étais en Corse là il y a une semaine, et puis on conduisait. Moi, je conduis pas, donc c'est ma femme qui conduit. On était dans les routes de Corse. À un moment donné, elle me dit, c'est fatigant ces routes, je suis stressé et tout, parce que les Corses, ils conduisent au milieu. Donc, à chaque virage, j'ai l'impression que je peux me prendre un Corse dans la gueule ou faire 14 tonneaux avec les gamines derrière et tout. Et elle avait la pression qu'on peut avoir en bagnole, effectivement, de la conduite libre qu'on a tous quand on sait conduire une bagnole. Et on est en train de nous vendre la voiture autonome aujourd'hui sur l'idée de la sécurité. La voiture autonome sera plus sécuritaire que l'autre. Et j'ai l'impression que très vite, ils vont réussir à nous mettre en tête culturellement que conduire de façon libre, émancipée en tant que maître de sa propre voiture et prendre des risques colossaux, quoi, est une sorte de liberté scandaleuse, irresponsable et qu'il faut vite aller à la voiture autonome, etc. Donc ça, j'aime bien si l'Uchronie fonctionne sur ces moteurs-là en disant voilà, quelque chose qui culturellement aujourd'hui nous paraît complètement normal, c'est-à-dire conduire sa propre bagnole, même s'il y a 3000 morts par an en France, etc. C'est quand même un élément de liberté fabuleux. On va en faire quelque chose qui relève de l'irresponsabilité, de la prise de risque, de quelque chose de flippant, de sauvage, de rebelle. Et je vois bien une Uchronie qui, justement, mettra en scène juste des gens qui conduisent une bagnole comme l'incarnation de l'irresponsabilité et des nouveaux punks, si tu veux, du futur dans juste 20 ans, quoi, tu vois. Et c'est très possible. C'est très possible que dans 20 ans, ça paraisse un acte punk total, comme aujourd'hui, conduire sans ceinture de sécurité, ça apparaît comme le comble du punk, alors que mon père a jamais mis une ceinture de sécurité de sa vie, quoi, tu vois. Et pas attacher ses enfants derrière. Alors là, c'est comme si on gravait avec un couteau irresponsable sur le front, quoi, tu vois. Et ces modifications culturelles, elles sont intéressantes à être traitées en Uchronie. Parce que là, tu fais sortir des traits de l'époque qui sont plus vus ou qui deviennent des normes naturelles qu'on n'arrive plus à questionner, quoi. Donc ça, j'aime bien l'utiliser sur des axes comme ça. Comme le temps passe, j'aimerais prendre le temps de prendre quelques questions dans l'assistante, s'il y en a. Bonjour. Alors ma question est celle-ci. Une civilisation se définit par une esthétique, une langue, une idéologie et une énergie. Et l'Empire romain, s'il a disparu, c'est parce qu'il y avait un problème d'énergie solaire, c'est-à-dire l'agriculture. Il y avait des limitations géographiques entre le Sahara et l'Atlantique, donc ce sont des causes énergétiques. Et le steampunk, nostalgie en fait. Nostalgie d'une Europe qui était puissance, qui dominait le monde, l'Europe victorienne évidemment, un petit pays, l'Angleterre, qui domine tous les continents, qui domine avec son esthétique, avec son industrie et évidemment ses machines à vapeur. Donc en fait, actuellement, je pense que certains ont peut-être le sentiment de mourir avec leur civilisation. Et n'a-t-on pas la nostalgie de la puissance occidentale qui dominait le monde ? Merci. Est-ce qu'il y a une composante nostalgique ? Non. Non, mais il y a à la fois une nostalgie, effectivement, moi je pense, dans l'inconscient collectif, et vous avez complètement raison de le souligner, des puissances coloniales françaises et anglaises. Et en plus... Souvent, ça se situe 1890, exposition coloniale, etc. C'est assez intéressant de le voir. Mais il y a aussi la nostalgie, comme tu le dis, d'un moment d'explosion technologique, de puissance de déploiement technologique qui est extrêmement enthousiasmante. Quand tu vois le mouvement futuriste, on n'en a pas parlé, en 1920, c'est une fascination complètement hallucinante pour la vitesse, pour cette technologie nouvelle. Et ça, c'est des choses qu'on a perdues. C'est-à-dire que, OK, on a aujourd'hui tout un déploiement technologique très fort, etc., autour de petits objets quotidiens, mais il n'y a pas cette espèce de puissance collective que ça avait à l'époque. Et je pense qu'on a une sorte de nostalgie de quelque chose qui est encore une fois ascensionnel, qui pousse, qui se déploie, alors que nous, on est quand même dans une phase, malgré l'espèce de sporulation technologique, dans une phase de déclin, ou en tout cas, on se perçoit en Occident comme dans une phase de déclin et de marasme. Il y a la nostalgie de cette ascension, en tout cas, à mon avis. On est un peu blasé technologiquement. Oui. J'ai toujours pensé, en fait... L'une des raisons du succès du steampunk est liée au fait que c'est contemporain de la naissance de la science-fiction. C'est le steampunk, c'est l'imaginaire de Wells, de Jules Verne. C'est un second souffle qu'on va chercher dans l'imaginaire des inventeurs de la science-fiction. C'est le monde dans lequel ils vivaient, tel qu'ils se le représentaient. Quand on fait du steampunk, on renoue aussi avec les machines de Jules Verne aussi. Moi, voilà. C'est peut-être même la première science-fiction, en fait. Le steampunk. Oui, en fait, d'une certaine façon, c'est ça. On peut penser à Paris au XXe siècle, qui est un bouquin de Jules Verne qui n'a pas réussi à publier à l'époque, qui était un bouquin de science-fiction qui ressemble pas mal à ce qu'on peut faire en steampunk aujourd'hui. Et même avant Paris au XXe siècle, le livre d'Émile Souvestre, qui s'appelle « Le monde tel qu'il sera », qui est souvent dans les histoires de science-fiction considéré comme le premier, c'est publié en 1846. Il imagine le monde en l'an 3000 où la vapeur est partout, parce qu'à l'époque c'était la fascination pour la vapeur, et donc il imagine le monde futur qui est modelé par la vapeur. Mais c'est fascinant, c'est-à-dire que la vapeur permet d'élever les gamins, donc c'est vrai que c'est fondateur même de l'origine et du développement de la science-fiction. Et alors juste un petit point, évidemment c'est clairement la question de la nostalgie, d'autant plus que le steampunk comme genre apparaît au moment où s'engage à la fois la fin des empires coloniaux, la désindustrialisation. Donc la disparition des usines qui ont fait cette force de la vapeur, hein, et c'est contemporain, c'est-à-dire la désindustrialisation, c'est à ce moment-là qu'on réinvente un monde fantasmé du 19e siècle industriel, donc évidemment c'est complètement lié. Après il faudrait voir, le steampunk c'est plutôt d'origine nord-américaine, c'est-à-dire que ça apparaît au moment aussi où apparaît l'informatique, et ça arrive dans un second temps plutôt, mais là je suis pas tout à fait sûr, je suis pas spécialiste, mais ça arrive plutôt dans un second temps en Europe. Et donc cette question de la nostalgie, de la relation à l'impérialisme et à la puissance européenne, elle est ambiguë parce que c'est aussi un genre nord-américain. Je vais prendre d'autres questions s'il y en a. Bonjour. Là, je vois que depuis tout à l'heure, on est resté bloqué sur le steampunk et le fait que la technologie soit figée sur la vapeur. Mais dans l'Uchronie technologique, j'ai lu un bouquin qui s'appelle « De peur que les ténèbres », où on raconte l'histoire d'un archéologue qui est renvoyé à l'époque, à la fin de l'Empire romain, au moment où les Goths ont conquis Rome, et qui, pour éviter l'âge des ténèbres qu'est le Moyen-Âge, fait évoluer plus rapidement l'humanité en apportant différentes technologies, la presse, le journalisme, l'arbalète, je crois, aux Goths, qui peuvent ainsi défaire Bélisaire et éviter le 1000 ans d'obscurantisme. Est-ce que ça rentre aussi dans le cadre de l'Uchronie technologique, le fait d'avancer, d'accélérer l'acquisition des savoirs, plutôt que de changer totalement l'histoire du monde? Ça soulève une question intéressante. Est-ce que c'est du mouvement interne ou est-ce que c'est du mouvement externe? Je pense que vous, ce qui vous intéresse, c'est plutôt une réflexion sur le progrès de l'humanité. Et donc, il y a des moments clés qui sont ce qu'on appelle, hein, dans théorie de l'Uchronie, les points de bifurcation. Et donc, on peut avoir l'impression, quand on est historien, qu'il y a eu des moments où ça a pris une direction, mais c'est un peu la théorie du chaos qui domine, ou l'effet papillon, et que ça tenait à peu de choses que ça prenne une autre direction. Cette réflexion, en fait, sur l'histoire de l'humanité et le rôle fondamental que le progrès technologique a dans l'histoire de l'humanité. Après, si on imagine un univers où effectivement il y a un Deus ex machina qui arrive en l'espèce d'extraterrestre et qui fournit une technologie, ça peut être intéressant, mais ou drôle. Enfin, ça peut présenter tout un tas de vertus, mais du coup, voilà, ça n'a pas cet aspect de réflexion sur qu'est-ce que c'est cette humanité qui invente des technologies. Je voudrais aussi ajouter quelque chose, parce que tout à l'heure on parlait d'histoire de la science-fiction, et enfin j'ai rappelé Jules Verne, etc., et Wells, mais il y a un petit paradoxe intéressant, c'est que la grand-mère de la science-fiction, c'est Mary Shelley, qui publie en 1818 Frankenstein, et la source d'énergie de base, c'est déjà l'électricité, hein, puisque Frankenstein utilise l'électricité pour donner vie à Frankenstein. Enfin, l'électricité, on l'avait découvert avant quand même. Finalement, pendant tout le 19e siècle, il n'y a pas tellement de suite à ce rôle de l'électricité. Et il faut attendre finalement pour qu'on invente des machines électriques à partir desquelles construire des artefacts et entrer dans une nouvelle civilisation. Oui, mais la pile de Volta est antérieure. Et dès les années 30-40, on fait les premiers usages industriels de l'électricité, notamment pour la dorure sur métaux, avec un système d'électrolyse. Enfin, on rentre pas dans les... Donc l'électricité existe aussi, c'est vrai, en permanence, en parallèle. Mais souvent dans les œuvres steampunk, il y a de l'électricité, mais c'est ça, elle prend simplement pas le pas. Mais on peut pas. Elle fait pas de véhicule, elle fait pas de. Oui. Et puis c'est toujours cette ambiguïté. Opposer l'électricité à la vapeur ou opposer l'électricité au charbon, c'est paradoxal, parce que l'électricité, c'est juste une manière de conduire dans l'espace une source d'énergie d'un point A à un point B. Mais le point A, la vapeur, peut être à l'origine de la fabrication de l'électricité. Donc faut pas opposer les deux. Les deux sont plutôt complémentaires. Oui, et puis il y a la technologie du moteur à explosion aussi, qu'on n'a pas évoqué, et qui là fait quand même la grosse différence entre les technologies de transport à la vapeur et les technologies de transport avec une autre source d'énergie. Vous écoutez Radio Zinzine, c'est l'émission Racine de moins 1, et donc on vient d'entendre une discussion entre différents auteurs de fiction, Sylvia Louche, Alain Damasio, Olivier Gechter et aussi l'historien des techniques Françoise Jarige, qu'on a déjà eu l'occasion d'entendre sur les ondes de Zinzine. Avant de terminer cette émission, je voulais présenter aussi un ouvrage que j'ai reçu, Rétrofutur, une contre-histoire des innovations énergétiques. C'est paru aux éditions Bûcher-Chastel en septembre 2018. C'est un ouvrage réalisé sous la direction de Cédric Carl, Thomas Ortiz et Éric Dussert, avec une préface de Bertrand Piccard. Bertrand Piccard, qui est l'initiateur et le président de la fondation Solar Impulse. Solar Impulse, c'est cet avion à hélice qui est propulsé par des panneaux solaires qui sont fixés sur ses ailes et sur le fuselage, et qui a fait le tour du monde comme ça, sans se réapprovisionner en carburant, puisque voilà, c'est un avion électrique. Ce sont des panneaux photovoltaïques qui sont sur cet avion. Et donc Bertrand Piccard, qui participe à ce projet, qui est réalisé par quelques ingénieurs et universitaire, qui s'appelle paléo-énergétique. C'est une manière d'explorer les inventions du passé qui sont tombées dans l'oubli et qui étaient à l'époque des innovations énergétiques. Cet ouvrage est donc le produit de ce travail d'investigation de l'équipe paléo-énergétique. Il y a un site internet qui commence par www.paléoénergétique.org. C'est assez facile à trouver. L'équipe des paléo-chercheurs s'est constituée de façon aléatoire au fur et à mesure des expositions, des rencontres, des partages sur les réseaux sociaux. Les paléo-chercheurs ne sont pas des archéologues qui font des fouilles ni des héros de films de Spielberg. Ils sont universitaires, mais aussi étudiants, retraités, curieux, fouineurs et chineurs. Ils nous ressemblent, ils vous ressemblent et sont conscients de la nécessité d'une action collective. Ils repèrent, exhument et transmettent les inventions à l'équipe paléo-énergétique. En effet, c'est un projet, comme on appelle ça, collaboratif, c'est-à-dire où chacun, s'il a des archives là-dessus, peut participer à l'exhumation de ces inventions un peu oubliées. Mais revenons tout de suite au bouquin. Ouais, je sais pas, il y a une bonne centaine d'inventions qui sont présentées en deux pages en général. Une page avec illustration et une page avec un texte qui décrit et qui raconte l'histoire de ces inventions. Ça commence en 1780, les semelles chauffantes de Lavoisier. C'est assez étonnant. Lavoisier, qui est le père de la chimie moderne, on pourrait dire, qui vivait à la fin du 18e siècle et qui donnait la formule « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Et visiblement, il se pelait les miches dans son cabinet, et plutôt que de chauffer toute la pièce, ce qui devait être difficile à l'époque, surtout dans les hivers assez rudes, eh bien, il avait inventé et fait fabriquer des semelles chauffantes. C'est-à-dire, en gros, c'est des bouillottes qu'on met sous les pieds, qui ont la forme du pied, évidemment. Et ça se termine avec 1993, ouais, le détournement de véhicules d'Émile Loret. Émile Loret, qui est un voyageur qui en 1983 tombe en panne en plein désert sud-marocain à 35 km de toute habitation, tombe en panne avec ses deux chevaux. Ben voilà, il se laisse pas démonter. Émile Loret. Mais par contre, il démonte sa deux chevaux entièrement. Et là, remonte pour faire une espèce de moto assez modifiée. Je vous passe les détails, mais c'est assez étonnant. On voit une photo du personnage sur son engin. Donc, il enlève complètement la carrosserie et il transforme, il garde le moteur, évidemment, la batterie, le réservoir. Il fait un peu de place pour sa personne et quelques bagages. Et c'est une espèce de deux roues un peu à la Mad Max, qui lui permet de sortir du désert. Et c'est assez étonnant. Bon, voilà, entre-temps, il y a plein d'inventions diverses et variées, des automobiles électriques, première Porsche électrique, les ballons dirigeables propulsés par l'électricité, plusieurs voitures électriques, il y a la fameuse ampoule centenaire d'Adolphe Chaillé. C'est dans l'Ohio aux États-Unis, c'est une ampoule qui est toujours allumée encore aujourd'hui et qui continue à fonctionner alors qu'elle était mise en place en 1901, voilà. Et elle continue donc à briller toujours aujourd'hui. C'est donc une démonstration par l'exemple que l'obsolescence programmée des objets industriels fait d'abord pour être vendu et incidemment pour être utile. Et en 1901, bah, il n'y avait pas encore cette obsolescence planifiée des objets industriels. Il y a plein d'autres inventions diverses et variées. Des modes de transport avec des chiens, premier tricycle à batterie. Enfin voilà, il y a plein de choses. Il y a même des trucs plus sur l'agriculture. Là, les murs à pêche de Montreuil. Ça, j'ai eu l'occasion de passer dans ce coin-là il y a quelques années et ça existait encore un petit peu. C'est-à-dire des murs qui sont orientés à plein sud et qui accueillent des pêchers, donc des arbres fruitiers. Donc ça permet d'avoir des récoltes en pleine ville, c'était assez étonnant. Enfin voilà, il y a énormément de choses, je ne vais pas tout passer en revue, mais il y a aussi intercalé dans les présentations de ces inventions oubliées et plutôt écolo, on pourrait dire. Il y a quelques textes qui reviennent sur différents aspects de ces inventions et de la démarche de Paléo énergétique qui a collecté les inventions et réalisé cet ouvrage. Et voilà, il y a une réflexion un petit peu sur les brevets et la brevetabilité des inventions. Voilà, le droit de propriété intellectuelle, grand ennemi de l'intérêt général. C'est une question, mais poser la question, c'est y répondre. Et voilà, c'est un plaidoyer pour une remise en question au brevet de la propriété intellectuelle, donc en faveur plutôt d'un quelque chose qui serait l'intermédiaire entre l'open access, l'accès ouvert, et une espèce de reconnaissance officielle des inventions. Donc voilà, ces gens-là se posent un peu la question de remettre en question cette propriété intellectuelle qui est plus paralysante qu'autre chose, et qui souvent, c'est un peu le cas pour les OGM, et plus une protection d'un monopole et des profits de grandes industries que une protection des inventeurs eux-mêmes, puisque bien souvent ces brevets sont rachetés et ensuite exploités ou pas. Voilà, c'est les différents auteurs se placent aussi sous l'espèce de patronage de Gilbert Simondon. Gilbert Simondon, qui est à la fois technicien et philosophe, qui a écrit différents ouvrages. Son plus connu, c'est en 1958, du mode d'existence des objets techniques. En troisième de couverture, il y a une citation de lui qui est intéressante. L'opposition dressée entre la culture et la technique, entre l'homme et la machine, est fausse et sans fondement. Elle ne recouvre qu'ignorance ou ressentiment. Elle masque derrière un facile humanisme une réalité riche en efforts humains et en forces naturelles, et qui constitue le monde des objets techniques, médiateur entre la nature et l'homme. Voilà, belle citation, qui mériterait peut-être aussi d'être relativisée, puisque l'ignorance ou le ressentiment qu'on peut avoir vis-à-vis de la technique moderne, il n'est pas non plus complètement infondé, étant donné que la plupart des machines qui nous environnent sont totalement opaques et extrêmement complexes maintenant. On peut penser à l'électronique, à l'informatique, au téléphone portable. Tout ça, c'est bien mystérieux pour la plupart des gens, et pour moi aussi d'ailleurs en partie. Et voilà, c'est Gilbert Simondon qui écrivait en 1958, avait une vision encore assez optimiste de la technique après la Seconde Guerre mondiale, malgré le déchaînement de puissance et de folie qu'il y a eu à ce moment-là, qui avait été passablement techniquement suréquipé par les ingénieurs de l'époque. Un rétro-futur, donc cette contre-histoire des innovations énergétiques, se place un petit peu sous le patronage de Simondon, et il y a notamment un philosophe et artiste qui revendique la nécessité d'une éducation écotechnique, comme il appelle ça. Petite citation... La réforme culturelle que Simondon a proposée et qui est encore à réaliser nécessite de transformer les systèmes éducatifs actuels qui maintient une société fermée considérée comme stable et intégratrice alors qu'elle est destructrice pour le milieu, pour l'humain et pour la technique. Adapter les individus à une telle société de consommation est irresponsable et dangereux. Il faut une sensibilisation affective, une imagination créatrice et une compréhension rationnelle de la nature et de la technique tout au long de la vie. Car sans une responsabilité écotechnique construite au cours de l'éducation, il n'est pas certain que la Terre puisse continuer d'être habitable, c'est-à-dire que le monde continue d'être riche, vivant et donc remis en invention. Voilà, ça donne un petit peu le contenu de cet ouvrage, donc Rétro-Futur, une contre-histoire des innovations énergétiques. C'est aux éditions Bûcher-Chastel. Et c'est voilà, un peu plus de 200 pages pour 24€. 200 pages illustrées, avec aussi des textes, des réflexions. Ça permet de relativiser un petit peu les machines qu'on a autour de nous et l'histoire telle que nous la dépeignent les grands turiféraires du progrès, selon lequel on va vers toujours plus de puissance, toujours plus de potentialité, etc. Alors que voilà, cet ouvrage donne un petit peu à voir qu'il y avait d'autres inventions possibles, il y avait d'autres choses possibles. Si j'avais fait cette émission avant les fêtes de la fin d'année 2018, je vous le recommanderais pour l'offrir à Noël ou au Nouvel An. Et donc sur cette émission de Racines de Moisins se termine et je vous souhaite une bonne année 2019 et à la prochaine. Société industrielle, présentée par Radio Zinzine.